Si vous vous contentez de votre salut tout en étant confus et sans savoir en quoi vous croyez, vous ne savez pas comment écouter Dieu. Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Comment votre attitude affecte-t-elle votre compréhension de la Bible? Que retirez-vous des enseignements bibliques entendus à l'église, à la radio ou à la télévision? Vous êtes-vous déjà mis à penser à ce que vous en avez retenu? Si vous êtes ouvert au message que Dieu veut vous communiquer, vous entendrez alors sa vérité. Mais si une personne impose des limites à l'action du Seigneur dans sa vie, elle entendra un message complètement différent. La question se pose donc, comment écoutez-vous la parole de Dieu? Aujourd'hui, Charles Stanley nous aide à comprendre la réponse biblique à cette question et nous explique le sens de la première partie de la parabole du semeur au 13e chapitre de Matthieu. Voici Charles Stanley. Comment deux personnes peuvent-elles écouter les mêmes messages semaine après semaine et emprunter deux voies opposées? L'un grandira spirituellement et verra sa foi augmenter. Elle marchera dans l'esprit, obtiendra des résultats et sera productive et féconde. L'autre, en revanche, ne mûrira pas spirituellement et ne témoignera pas de sa foi. Elle ne produira rien et ne sera pas féconde. Est-ce à dire que notre façon d'écouter exercerait un impact sur notre croissance? Je crois en effet que l'attention portée au message de la parole de Dieu détermine en grande partie le rythme de croissance spirituelle d'une personne. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui s'intitule « Comment écoutez-vous la parole de Dieu? » Ouvrons notre Bible au 13e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Jésus nous propose une parabole dans laquelle il décrit quatre manières d'écouter la parole de Dieu. Nous connaissons tous cette parabole qui commence au verset premier. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, une autre 60 et un autre 30. Et j'aimerais vous faire part des paraboles prononcées par Jésus au verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quel genre d'auditeur êtes-vous? D'après les Écritures, il existe quatre types d'auditeurs. Demandez au Seigneur de vous montrer la catégorie à laquelle vous appartenez. Car votre façon d'écouter détermine votre façon de vivre, et votre façon de vivre déterminera si votre vie sera féconde ou au contraire stérile. Le premier type d'auditeur est celui qui n'est pas réceptif à la parole. Revenons au verset 4. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Pour comprendre la signification de ce verset, regardons l'explication fournie au verset 18, car Jésus nous donne l'explication de la parabole à partir de ce verset jusqu'au verset 23. Lisons les versets 18 et 19. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Voici ma définition de ce type d'auditeur. Je ne parle pas seulement des non-croyants, car certains croyants tombent aussi dans cette catégorie. Je parle de gens qui vont à l'église semaine après semaine, qui s'assoient devant leur poste de télévision ou qui écoutent la radio chrétienne. Ce genre de personne a décidé à l'avance de ce qu'elle entendra et de ce qu'elle n'entendra pas. Elle est réticente à toute demande qui exigerait d'elle ce qu'elle ne consent pas à faire. Elle s'assoit donc et écoute passivement. Elle a déjà écouté beaucoup de sermons dans sa vie et elle en écoutera sans doute beaucoup d'autres. Elle écoutera celui d'aujourd'hui, mais sans aucune intention de le mettre en application dans sa vie. Elle écoute le message de la parole de Dieu sans plus. Elle est donc fermée à la parole de Dieu. Jésus compare l'effet de sa parole sur cette personne à une semence jetée le long du chemin. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, on ne recouvrait pas les chemins de ciment et d'asphalte. La terre de ces chemins s'endurcissait sous le poids des passants et sous l'effet de la chaleur du soleil. Sur une telle surface, la semence n'avait aucune chance de germer. Le semeur ne jettera pas délibérément sa semence sur le chemin, mais un léger vent peut déplacer la graine du champ vers le chemin avant même qu'elle ait pu prendre racine. Les oiseaux viennent alors, ils prennent le grain et l'enlèvent. Cette image décrit l'homme qui écoute passivement et se ferme, pensant « Il ne faut pas exagérer, je suis prêt à faire certaines choses, mais il y a des limites. » Je refuse de faire certaines choses pour l'Église. » Et ce genre de personne impose des limites et des restrictions à son engagement. Elle acceptera d'écouter jusqu'à un certain point, mais lorsque vous lui parlerez d'obéissance à Dieu, son esprit se fermera. Elle déclarera catégoriquement, « Je ne veux pas entendre cela. Ne m'en parlez pas, cela ne m'intéresse pas. Je suis ici pour accomplir mes responsabilités de chrétien, c'est tout. » Je viens à l'Église, j'écoute poliment ce qu'on y dit. Je crois en l'adoration, même si elle n'a pas été précise de sa nature. Je crois en toutes ces choses, mais ne me parlez pas de détails sur un engagement qui changerait mon style de vie. Je ne veux pas en entendre parler. Beaucoup de gens prennent le chemin de l'Église avec un tel raisonnement. Même avant d'y mettre les pieds, ils sont fermés. Ils ont décidé d'avance jusqu'à quel point ils allaient écouter. Ils ont déjà imposé des limites à leur écoute. Ils sont disposés à écouter, mais les gens sont heureux d'écouter en autant que vous ne les interpellez pas personnellement et que vous ne leur demandez rien. Ne leur demandez surtout pas de s'engager dans une relation où Jésus-Christ serait leur maître. Ils écoutent passivement, bornés. Leur oreille est devenue insensible à force d'entendre la vérité sans y obéir et sans répondre aux appels répétés de Dieu. D'après la parabole, Satan s'approche à ce moment précis pour dérober la vérité à ce genre d'auditeurs. Si nous ne saisissons pas l'occasion offerte par Dieu, si nous ne prenons pas l'initiative d'appliquer dans notre vie la vérité que nous venons d'entendre, Satan nous la dérobera. Il le fera toutes les fois que vous lui permettrez. Certains demandent, « Mais pourquoi Dieu le laisse-t-il faire ?» J'aimerais répondre par une autre question. Pourquoi Dieu vous permettrait-il de continuer à entendre vérité après vérité si vous n'êtes pas prêt à agir en conformité avec elle ? Aujourd'hui, les gens ont une idée déformée des choses précieuses. Pour eux, l'argent est plus précieux que tout. Mais je dois vous dire que tout l'or et l'argent du monde ne pourront jamais égaler la valeur de la révélation que le Seigneur Tout-Puissant nous donne de lui-même. Le fait d'écouter passivement la parole de Dieu avec un cœur endurci est un péché à son endroit, et imposer des limites à la volonté de Dieu en refusant de faire ce qu'il vous demande dans sa parole est également un péché commis contre lui. Cependant, certaines personnes écoutent de cette façon. Et malheureusement, la parole de Dieu, éternelle et précieuse, tombe dans des cœurs endurcis et des oreilles devenues insensibles. Pourquoi? Parce qu'elles ont pris l'habitude de s'asseoir et d'entendre la prédication de la parole de Dieu tout en refusant de répondre à son message. C'est alors que Satan dérobe la vérité déposé par Dieu. Tant qu'à agir ainsi, il serait préférable pour un homme de ne pas écouter. Mieux vaut ne pas écouter qu'aller à l'Église et écouter passivement en disant « Ne touchez pas ma vie intérieure. Cela ne regarde que moi. je ne permets à personne de s'en mêler, ni vous, ni Dieu. Mais je dois vous avertir. Chaque partie de votre être appartient à Dieu, et il touchera chaque partie de votre être avec ou sans votre accord. Je vais vous montrer à présent comment une personne s'endurcit. Cela n'arrive pas lorsqu'elle dit « Je refuse d'entendre cela. Je ne veux pas écouter Dieu. » Un homme ne devient pas insensible à la parole en discutant ou en se disputant avec Dieu. Il devient insensible car il est indifférent à la parole et il ne réagit pas aux appels de Dieu. Chez lui, la parole de Dieu entre par une oreille et sort par l'autre. Sa réaction ressemble à ceci. « Es-tu allé à l'église aujourd'hui? » « Oui. » « As-tu entendu le message? » « Oui. » « Qu'est-ce que tu en penses? » « Pas grand-chose. » « Je me contente d'écouter. » Cela vous fait peut-être sourire, mais je dois vous dire qu'il existe beaucoup de gens assis dans les églises le dimanche qui ne font rien d'autre que d'écouter. Ils ne pensent jamais ce qu'ils ont entendu et ils n'en tiennent jamais compte. Le message n'a donc aucun moyen de mûrir dans leur cœur et ils ne l'appliqueront jamais dans leur vie. Ils écoutent. Le message entre et ressort aussitôt. Le premier type d'auditeur n'est donc pas réceptif à la parole, il a une pensée fermée. Le deuxième type d'auditeur est confus. Regardons un moment le verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Et le verset 6 précise, « Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. » Lisons maintenant l'explication de Jésus au verset 20 et 21. « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Les cultivateurs et les gens qui vivent à la campagne connaissent bien ce genre de sol. Parfois, en défrichant un terrain pour cultiver, on s'aperçoit qu'une mince couche de terre recouvre un massif rocailleux. Cette couche de terre est tellement mince qu'une graine qui y tombe n'a pratiquement pas d'espace pour y plonger ses racines. C'est de ce genre d'endroit dont Jésus parle ici. Les gens qui correspondent à cette partie de la parabole sont confus. Leur pensée n'est pas claire ou distincte. Voici ce qui se produit alors. Lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, ils sont tout joyeux et excités. Ils disent « Voilà ce que je cherchais depuis si longtemps ». Ils peuvent même faire confiance à Jésus-Christ comme leur sauveur. Ils sont sauvés. Ils savent qu'ils sont sauvés. Et tout ce qu'ils veulent faire, c'est chanter des cantiques à Dieu durant le reste de leur vie. Ils veulent jouir de leur salut sans chercher à faire plus que le strict minimum. Ce qu'ils aiment, c'est le frisson, l'émotion de l'expérience du salut. Ne leur parlez surtout pas de prendre du temps pour étudier les Écritures et s'enraciner dans la parole de Dieu afin d'avoir un fondement solide. Cela ne les intéresse pas. Ils ne sont pas attachés à la parole. Ces croyants vivent selon leurs émotions. Pour eux, tout est merveilleux. Ils aiment chanter « Gloire à Dieu, Alléluia, Amen ». Mais ne cherchez pas à leur enseigner quelque chose. Ils ne veulent rien entendre. Nous pouvons comparer ce genre d'auditeur avec la semence tombant sur un sol rocailleux dans lequel elle ne peut pas s'enraciner. Il n'y a aucune chance d'établir un fondement solide, car lorsque la tempête survient, ces semences sont soufflées par le vent. Nous rencontrons parfois ce genre de personnes dans nos églises. Elles sont chrétiennes depuis parfois assez longtemps, mais dès que quelque chose se produit dans leur vie, une situation imprévue et difficile par exemple, elles renoncent à tout. Elles sont incapables de trouver des ressources en elles-mêmes pour faire face à l'épreuve. Peu de temps auparavant, elles glorifiaient le Seigneur et chantaient « Alléluia, Amen, tout était merveilleux ». Soudain est survenu un temps de légère affliction. Qu'ont-elles fait? Elles ont tout simplement disparu. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas réellement Dieu. J'aimerais me faire bien comprendre. Vivre une expérience avec Jésus n'est pas mauvais en soi, loin de là, à condition que vous soyez fondés en lui. Sinon, à la moindre difficulté, vous chancellerez. La Bible affirme que la vie chrétienne implique le renouvellement de la pensée. Et pour y arriver, nous devons concentrer notre pensée sur Dieu. J'essaie de vous faire comprendre la vérité de la parole de Dieu. Aussi, quand viendront les mauvais jours, ils ne pourront vous faire basculer. Or, l'auditeur confus qui sème sur un sol rocailleux ne peut pas penser clairement, car il ne connaît pas la vérité. Il sait qu'il est pardonné, mais il n'a aucune idée de la signification de la mort expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. Cet auditeur nous demande de ne pas les rendre confus avec des mots comme « justification »,« réconciliation » ou « expiation ». Or, ces mots n'existent pas pour troubler les gens, mais pour les affermir. Ces auditeurs ont donc voulu s'enraciner dans des endroits rocailleux sans penser qu'il n'y avait presque pas de place pour leurs racines. Et quand le soleil a plombé, il a asséché la terre et les racines, la plante est donc morte. Laissez-moi vous poser quelques questions. Savez-vous pourquoi vous croyez ce que vous croyez? Pouvez-vous me dire pourquoi vous croyez être pardonné de votre péché? Pouvez-vous me dire pourquoi vous croyez être en sécurité pour l'éternité? Pouvez-vous me dire pourquoi vous croyez que, même si vous avez péché contre Dieu après avoir été sauvé, vous êtes tout aussi sauvé que vous l'étiez avant de pécher? Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'avez pas peur de mourir? Pourquoi croyez-vous que votre corps ressuscitera un jour? Quel genre de corps aurez-vous à ce moment-là? Pouvez-vous dire ce que signifie être réconcilié avec Dieu et sanctifié dans son esprit? Que signifie marcher dans l'esprit? Pensez-vous plutôt que vous êtes seulement sauvé et que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Espérez-vous qu'en implorant Dieu, il vous mettra à l'abri de tout souci et de toute peine jusqu'au jour où il vous fera monter au ciel? Dieu n'a jamais promis que la vie ici-bas serait toujours un jardin de roses. Vous aurez vos moments d'affliction, vous serez testés et éprouvés. Malheureusement, si vous n'êtes pas enraciné dans la vérité, vous n'aurez pas la force de tenir bon. Et si un étranger qui possède beaucoup de charisme se présente et vous parle d'une nouvelle secte qui offre quelque chose d'inédit, vous le suivrez. Des gens vous diront par exemple, « Avez-vous entendu parler de ces gens-là? Ils font beaucoup de miracles, ils ressuscitent les morts, et tout le monde est guéri. Vous n'avez pas entendu parler de cette nouvelle église? » Il existe tellement de gens qui se contentent d'être sauvés. Ils adhèrent à un genre de religion à sens unique. Ils demandent seulement à recevoir. « Donne-moi, Seigneur! Donne-moi, donne-moi !» Mais ils ne donnent rien en retour. C'est pourquoi ils sont une proie facile pour quiconque se présente avec une nouvelle philosophie. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils désirent un nouveau frisson, une nouvelle expérience, une nouvelle idée. Bref, une chose différente à laquelle ils pourront s'accrocher. Pourquoi? Parce que Jésus ne leur suffit pas. Et pourquoi sont-ils incapables d'être satisfaits avec Jésus? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais quand vous découvrez qui est vraiment Jésus-Christ, mes amis, vous n'avez pas besoin de plus de frissons. C'est l'expérience la plus passionnante au monde. Et plus vous sondez profondément la parole de Dieu, plus vous êtes passionné et enthousiasmé par Jésus-Christ. Il devient la solution ultime dans votre vie et il comble chacun de vos besoins. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous donnera une vision fantasmagorique pour vivre chrétiennement. Le problème, lorsqu'on recherche ce genre de sentiment, c'est qu'il s'évapore très vite. C'est un peu comme aller au cirque. Pendant que vous assistez au spectacle, vous avez du bon temps. Or, le lendemain, la magie est finie. Elle n'est plus qu'un souvenir. Cependant, avec Jésus-Christ, vous n'avez pas qu'un frisson momentané et temporaire. Jésus-Christ est votre vie. Il est votre vie. Mais si vous êtes simplement satisfait de votre salut, tout en restant confus et sans vraiment savoir en qui ou en quoi vous croyez, ni même pourquoi vous y croyez, cela prouve que vous ne savez pas comment écouter Dieu. Une personne dont la pensée est confuse est comme un lac dont l'eau est trouble. On n'en voit pas le fond. une telle personne n'a aucune intention de sonder profondément la parole ou de grandir. Elle apprécie simplement la sécurité apportée par la promesse de Dieu. Elle a échappé à l'enfer et elle s'en va au ciel. Le reste lui importe peu. Mais moi, je vous donne un conseil. Cherchez à n'en savoir plus et retenez ce que vous apprenez. Et pour y arriver, prenez des notes. Si le message vaut la peine d'être écouté, il vaut la peine d'être remémoré. Et pour s'en rappeler, un petit crayon vaut mieux qu'une grande mémoire, parce que notre pensée ne peut pas tout retenir. Combien de messages avez-vous entendus? Qu'avez-vous retenu? Maintenant, si les gens ne se rappellent pas de mon message, cela en dit beaucoup plus sur eux que sur moi. Cela indique leur niveau de sagesse et leur volonté d'obéir ou non à Dieu. Que vous dit Dieu présentement? Êtes-vous le genre d'auditeur non réceptif ou confus? Quelle est la profondeur de votre foi? Quelles sont vos croyances? Écoutez-vous Dieu pour ajouter plus de profondeur et de vérité à votre vie? L'écoutez-vous pour vous enraciner plus solidement en lui, pour instruire votre famille et pour que vos enfants n'aillent pas à l'école et en reviennent en vous disant « Tu sais, papa, j'ai décidé que je ne croyais plus dans la Bible. » Premièrement, la Bible ne contient aucune erreur. Et deuxièmement, la responsabilité d'enseigner cette vérité aux enfants revient au Père. Et à présent, je m'adresse surtout au Père. Messieurs, pourquoi écoutez-vous la parole de Dieu? Que voulez-vous entendre de cette parole? Voulez-vous seulement vous donner bonne conscience ou êtes-vous profondément assoiffé et affamé de la parole de Dieu, ce qui vous pousse à croître dans le Seigneur? Pourquoi écoutez-vous? Vous regardez vos enfants partir et ils apprennent toutes sortes de choses. Ils sont parfois transportés par le vent sur le bord du chemin. Et nous savons ce qui arrive alors. Et j'entends les parents me dire, « Oh, nous avons fait de notre mieux. » Qu'avez-vous fait au juste? « Oh, j'ai fait de mon mieux pour donner une éducation chrétienne à mes enfants. » Mais qu'avez-vous fait exactement? Je les ai amenés à l'église chaque dimanche. Et qui ont-ils entendu? Ils ont entendu notre pasteur prêcher la parole de Dieu. Et quelques-uns devraient ajouter, ils ne croyaient pas toujours ce qu'ils prêchaient, mais ils le prêchaient quand même. Quel effet cela exerce-t-il sur les enfants, d'après vous? Et même si le pasteur croit tout ce qu'il dit et qu'il le prêche, vous, monsieur, l'écoutez-vous? Revenez-vous sur le contenu du message lorsque vous êtes à table le dimanche midi. Parlez-vous de ce que vous avez compris du message? Analysez-vous la prédication du pasteur en demandant à tous, comment pouvons-nous appliquer cela dans notre famille? Avez-vous aimé la prédication? Je n'ai pas compris ce qu'il a dit à ce moment-là. Je devrais en reparler au pasteur, ou en s'adressant à son fils. Que penses-tu de ce point? Ou encore, chérie, penses-tu que nous pourrions appliquer cela dans notre vie? Quel effet cela produit-il sur vos enfants? Je vais vous le dire. Cela les renforce et aide leurs racines à pousser et à se raffermir. Et les vents et les tempêtes ou les vagues de toutes les fausses doctrines pourront bien s'abattre furieusement sur eux. Cela ne les affectera pas. Ils seront bien enracinés dans la vérité. Mesdames, messieurs, parce que vous aurez enseigné avec persévérance à vos enfants à la maison. J'entends parfois les gens s'exclamer « Gloire à Dieu, toute ma famille est sauvée, je suis comblé !» Une minute. Comblé? Il leur reste 30, 40, 50 ans à vivre et vous êtes comblé parce qu'ils sont simplement sauvés. Il leur reste encore d'innombrables occasions de chanceler et de rater leur vie s'ils ne sont pas solidement enracinés dans la parole de Dieu. Je vous repose la question. Quel genre d'auditeur êtes-vous? Si vous pensez éprouver des problèmes à écouter Dieu, je vous encourage à demander au Seigneur de parler à votre cœur. Par quoi votre pensée est-elle si préoccupée? Qu'est-ce qui vous encombre votre pensée, au point de ne plus entendre Dieu à force d'écouter le monde? Satan vous dérobe une vérité après l'autre. Pourquoi? Est-ce l'orgueil? Est-ce la peur? Le bien le plus précieux sur la surface de cette terre est la parole incomparable de Dieu. Comment pouvez-vous entendre autant et en même temps ne rien vouloir entendre? Il y a de nombreuses années, en méditant sur la parabole du semeur, je m'étais demandé si un chrétien pouvait changer la nature de sa terre au cours de sa vie. Il m'est déjà arrivé de revenir chez moi après un culte, et j'aurais été bien embêté si on m'avait demandé de parler du sujet de la prédication. Je ne remets pas en cause l'intérêt du message. Le problème provient de ma propension à écouter à ce moment-là. Savez-vous de quoi je parle? Soyons honnêtes, ne déclarons pas le pasteur coupable, mais pointons-nous plutôt. Certains dimanches, je suis une terre arable, et en d'autres occasions, mon cœur est aussi rocailleux que l'endroit pierreux de la parabole. Mais Dieu est patient, et il me ramène à lui. Qu'est-ce qui transforme la nature de ma terre de cette façon? En un mot, le monde. Je ne veux pas dire que je suis foncièrement réfractaire à la parole de Dieu, mais certaines fois, il me semble que je manque de temps, que mes propres responsabilités pendant le culte dominical me rendent plus stressé et moins réceptif, que la nuit a été trop courte, etc. Si vous pouvez vous reconnaître dans ce genre de situation, je ne crois pas qu'il y ait lieu de vous alarmer à court terme. Ce n'est pas parce que nos capacités d'écoute connaissent une baisse momentanée que nous sommes en régression. J'ai déjà parlé avec des chrétiens qui ont cessé de venir à l'Église pendant plusieurs mois et même pendant plusieurs années. Il semble que la tiédeur envers Dieu s'étale sur des jours et des semaines. Elle s'installe tranquillement, doucement et subtilement si on n'y prend pas garde. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ avertit l'Église d'Éphèse, qui n'était pourtant pas la pire, dans Apocalypse, chapitre 1, versets 4 et 5. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Si notre ardeur pour le Seigneur s'est refroidie avec les années, est-ce la faute du Seigneur ou la nôtre? L'émission d'aujourd'hui vous a plu? Vous aimeriez en savoir plus? Aujourd'hui, l'Espoir offre aux assoiffés de la source de vie qui est en Jésus-Christ une occasion unique de parfaire leur connaissance de la Bible. Vous pourrez suivre ces cours sans avoir à vous déplacer dans le confort de votre foyer. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.